esthétique. La femme mûre ou jeune fille, j'en ai frôlé toutes les sortes, des faciles, des difficiles. Voici la vie que j'en rapporte. C'est des fleurs diversement mises, aux airs fiers ou seules, selon l'heure. Nul cri sur elles n'a de prise. Nous jouissons, elles demeurent. Rien ne les tient, rien ne les fâche. Elles veulent qu'on les trouve belles, qu'on le leur râle et leur rabâche, et qu'on les use comme telles. Sans souci de serment, de bague, suçons le peu qu'elles nous donnent. Notre respect peut être vague, leurs yeux sont hauts et monotones. Cueillons sans espoirs et sans drames, la chair vieillit après les roses. Oh, parcourons le plus de gamme, car il n'y a pas autre chose.